Donc, dans la catégorie « Je recycle mon tube néon dans mon magasin de bricolage », les gagnants sont Karim de Roanne dans « Le monde de néon », Mathias de Romainville dans « Apocalypse néon », Nathalie de Tarbes dans « Mon néon est personne ». Karim, alors heureux ? Je suis super heureux, mais vous savez, j'ai un secret. Quand j'ai un néon ou une ampoule à changer, je les prends avec moi au magasin, comme ça je me trompe pas de modèle, et en partant, hop, dans le bac de recyclage. Eh oui, rapporter son tube néon ou son ampoule dans un bac de recyclage, c'est être sûr qu'il soit dépollué et que leurs composants soient recyclés à plus de 90%. Toutes les solutions de recyclage sur recylum.com. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Longtemps présenté comme une force obscure en perpétuel combat avec notre conscience, l'inconscient a trouvé avec les neurosciences un nouvel éclairage qui montre que conscience et inconscient n'œuvrent pas l'un contre l'autre mais sont au contraire étroitement imbriqués. Le magazine Cerveau et Psycho consacre son numéro de février au pouvoir de l'inconscient. Pour comprendre la face cachée de notre cerveau et son rôle essentiel dans nos choix ou nos comportements, c'est le dossier cet après-midi de la Tête au Carré avec mes invités. Toutes vos questions, vous pouvez déjà nous rejoindre sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science, on va parler, Héloïse, aujourd'hui de la forme de notre voie lactée. Oui, les scientifiques le suspectaient, mais c'est désormais chose sûre. Notre voie lactée n'est pas un disque parfaitement plat et régulier. Elle est en fait repliée sur les bords. Et on comprend aussi mieux pourquoi elle a cette forme. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter. Et nous allons vous emmener dans un instant dans les coulisses de notre inconscient pour comprendre justement comment travaille l'inconscient à notre insu, ce génie de l'ombre présenté comme tel dans Cerveau et Psycho. Et pour en parler, je suis avec la neuroscientifique Claire Sergent et Sébastien Boller. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Sébastien Boller. Quoi de neuf depuis Freud autour de notre inconscient ? Beaucoup de choses. Tout a changé. Non, aujourd'hui, l'inconscient psychanalytique existe toujours pour ceux qui s'y intéressent, mais l'inconscient analysé par les neurosciences scientifiquement a fait beaucoup de progrès. C'est-à-dire qu'en même temps que les recherches sur la conscience ont progressé, on a aussi un peu mieux compris tout ce que notre cerveau faisait de manière non consciente. Voilà. Ouais. Et il fait énormément de choses et on sait de plus en plus comment. Ouais, il y a plus d'opposition, il y a moins d'opposition en tout cas entre la conscience et l'inconscient aujourd'hui. Oui, c'est vrai ce qui caractérise le plus ce qui a changé. C'est vrai que la psychanalyse définissait un inconscient qui tirait un petit peu les ficelles dans l'ombre et contre lequel il fallait un petit peu se méfier, il fallait maîtriser, museler l'inconscient là, ouais. qui était le produit de pulsions qu'on essayait de refouler, alors qu'aujourd'hui tous les processus inconscients du cerveau sont en fait imbriqué avec la conscience et travaille avec la conscience et sont des assistants en fait au quotidien qui nous aident en fait à faire une foule de tâches. Et c'est ce qu'on va voir bien sûr dans ce dossier. Claire Sergent, on est très loin de Freud aujourd'hui. Oui, on est assez loin de Freud. Disons que je pense qu'il est important de dire que on a des intérêts communs. On a envie de savoir ce qui nous gouverne, les choses qui ne sont pas explicites et pourtant qui nous gouvernent, qui vont décider de nos actions. Donc on est proche de Freud dans les questions. Je pense aussi que la psychanalyse fait des propositions intéressantes, mais que ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut être clair sur le statut de ces propositions. La grande majorité des propositions de la psychanalyse ne sont pas démontrées. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre à la poubelle. Ça veut dire que il faut se soumettre à ce processus lent et passionnant qui s'appelle la science. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Se plier à l'exercice de la preuve. Et voilà. Et c'est ce qu'on a envie de faire. Donc. On est proche. Il n'y a pas de rejet, on est d'accord. Il n'y a pas de rejet. Il y a des outils aussi qui sont complètement différents pour aborder la question aujourd'hui. Tout à fait. Il y a des manières différentes d'aborder la question, mais il ne faut pas nier que Les questions qu'aborde la psychanalyse, c'est celles qui nous intéressent, quoi. Ouais. Ça sert à quoi finalement aujourd'hui l'inconscient? Si on peut résumer la chose avant de la développer ensemble tout à l'heure. Aujourd'hui ou de tout temps, mais ce qu'on est en train de découvrir. Oui, oui, ce qu'on sait de ça. Eh bien, bah oui, comme vous le disiez tout à l'heure. Une énorme partie de la cognition qui se produit dans notre cerveau, même à l'éveil, est inconsciente parce qu'elle est très efficace. Ce qu'on appelle l'inconscient, ce sont toutes les routes automatiques qui n'ont pas besoin de passer par ce processus lent de prise de conscience pour être efficace. On va être efficace dans nos mouvements, on va être efficace dans la compréhension du monde visuel, etc. On va être efficace dans nos relations aux autres et on va voir que, des fois, on va avoir des biais. Bon, ça, c'est un très bon résumé et on va prendre la route avec vous, justement, dans un instant pour en savoir plus. Et puis, vous répondrez, bien sûr, aux questions, aux témoignages, aux réactions des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré. Je vous propose de quitter notre planète pour un voyage vers l'infini, le Soleil. Ce géant n'est qu'un grain de sable, une poussière parmi les millions, les milliards d'autres poussières qui forment la Voie lactée. D'autres étoiles, plus énormes encore, foisonnent dans le ciel. Des étoiles doubles, comme celle-là, qui gravitent l'une autour de l'autre, dans une mécanique complexe où tout change, se modifie. Voilà un extrait de l'émission La poursuite des étoiles en 1962 pour parler, Héloïse, aujourd'hui à la une de la science, de la forme de notre belle Voie lactée et des forces qui la travaillent de l'intérieur. Oui Mathieu, grâce à une étude parue récemment dans la revue Nature, on sait désormais que notre galaxie, qui compte 230 milliards d'étoiles, n'a pas exactement la forme que l'on imaginait, en tout cas sur ses bords. David Elbaz est avec nous en studio pour nous expliquer pourquoi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA. Alors comme ça, la Voie lactée, ce n'est pas ce beau disque bien régulier qu'on aime tous imaginer. Comment on doit imaginer cette Voie lactée alors? On peut penser à une route vélo. Une route vélo qui est à l'origine très belle, bien symétrique, et puis des fois, elle se retrouve voilée en fonction de différents accidents ou du mouvement qu'on fait, des forces qu'on exerce sur cette roue. La Voie lactée, c'est pareil, des forces s'exercent sur la Voie lactée qui participent à la façonner. Et un des effets, c'est qu'elle est voilée sur les bords, ce qui fait que si on la regarde par la tranche, ce qu'on peut pas faire, parce qu'on peut pas sortir de la Voie lactée, d'où la difficulté, mais ce qu'on arrive à reconstruire aujourd'hui, c'est que ça fait un S. Et donc, elle se plie un petit peu sur les bords. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et alors, comment les scientifiques se sont aperçus que cette route vélo était voilée? Alors, la difficulté, c'est que comme on est dans la Voie lactée, et qu'il y a des nuages de poussière qu'on appelle des cirrus tout autour de nous, la première image qu'on a eue du monde qui nous entourait, c'était qu'on était au centre de l'univers. Pas simplement au centre du système solaire, mais c'est que plus une étoile est loin, plus la lumière de l'étoile doit traverser de poussière. Et donc, ça nous donne l'impression qu'on est au centre d'une sphère qu'est l'univers. Donc, et puis après, on s'est rendu compte qu'en regardant l'univers dans l'infrarouge, on pouvait utiliser des photons, des particules de lumière suffisamment grandes pour enjamber les grains de poussière et voir au bord de la Voie lactée. Et donc, quand on peut commencer à regarder soit vers le cœur, soit vers le bord de la Voie lactée, on peut commencer à cartographier la forme de la Voie lactée. Mais on est où, nous, finalement, dans la Voie lactée? Alors, de quel côté? En haut, à droite, à gauche? Alors, ce studio, précisément, de France Inter, parce que je ne peux pas parler pour tout le monde. On est dans une émission scientifique. Oui, alors restons précis. Donc, ici, là, on est à 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, qui fait un diamètre d'à peu près 100 000 années-lumière. Donc ça c'est notre position au moment où je vous parle. Les bords de la Voie lactée dont je parle se situent environ à 40 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Ce ne sont pas des distances énormes pour un astrophysicien, parce que pour un astrophysicien, on parle en milliards d'années-lumière. Mais comme c'est dans le plan de la tranche et de la Voie lactée, il faut passer à travers toute cette poussière. Alors, ce qui est un peu amusant avec cette équipe chinoise, c'est que ils ont utilisé un satellite qui s'appelle WISE, qui veut dire sage, un grand sage, mais bon, qui n'était pas du tout fait pour ce qu'ils en ont fait. Ils se sont rendus compte que certaines étoiles pulsaient, et on savait que les étoiles pulsaient, elles se contractent et elles gonflent. Leur lumière pulse avec un rythme régulier qui dépend de leur puissance lumineuse. Et ça, c'est fondamental, parce que quand on connaît la puissance lumineuse de l'étoile, eh bien, on peut savoir que si elle nous apparaît faible, c'est qu'elle est loin, et si elle est brillante, c'est qu'elle est proche. Et comme ça, ils ont arpenté les distances dans la Voie lactée, et avec 1300 étoiles qu'ils ont étudiées comme ça, le jeune chinois qui a commencé ça, a commencé pendant sa thèse, il s'attendait pas du tout à trouver ça, et puis ils ont bien cartographié ce forme de S qu'on connaissait grossièrement avant, mais là, on a vraiment vu la structure très fine de la Voie lactée. Et est-ce qu'on sait pourquoi elle est déformée sur les bords? Alors, effectivement, c'est une bonne question, parce que l'existence de la Voie lactée dans un univers avec plein de galaxies qui se rencontrent sans arrêt, on parle de harcèlement galactique, vous savez. Les galaxies sont harcelées en permanence. C'est joli comme terme. Sa simple existence, déjà, c'est un défi. Et certains pensaient même que les interactions avec d'autres galaxies allaient affecter le disque de la Voie lactée. Mais il a bien survécu. Donc, on sait aujourd'hui, grâce à cette étude, en étudiant finement la structure de la Voie lactée, que c'est le mouvement, un peu comme un pédalier, de rotation au centre de la Voie lactée qui a exercé un moment, un couple, comme quelqu'un qui pédale sur un vélo et qui a tordu, finalement, la Voie lactée. Et donc, c'est une propriété liée à ce qui se passe là où nous sommes. Nous, le Soleil, avec toutes les étoiles qui nous entourent, en tournant, on provoque un effet autour de nous qui est ce S. Et en revanche, donc, les galaxies autour n'ont aucune influence sur notre galaxie, elle est tranquille. Alors effectivement, on pourrait s'attendre à ce qu'elle bouscule beaucoup, et finalement pas tant que ça, elle est très peu affectée, sauf peut-être d'ici 2,5 millions d'années, lorsque nous allons rencontrer notre grande voisine, la galaxie d'Andromède, et là, ça sera fini du bout du disque. 2,5 millions d'années ? Alors, pardon, elle est à 2,5 millions d'années-lumière, et une étude récente qui a été faite avec le satellite Gaïa a permis d'estimer que la rencontre entre deux géantes aura lieu, effectivement... En milliards d'années. Là. Voilà, bien, dans presque 5 milliards d'années. Ouais. Alors, comment la forme risque d'évoluer? Elles vont fusionner? Est-ce que ce beau disque va devenir autre chose? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, elle s'approche à 120 km par seconde, qui peut paraître beaucoup, mais pour des galaxies, c'est pas énorme. Ce qui fait qu'elles vont fusionner, elles vont perdre leur belle forme de spirale, et elles vont ressembler ensemble à une sorte de ballon de rugby. Certains l'appellent Milky Med, où ils mélangent un peu Milky Way avec Andromède, etc. Pas mal, et la belle forme du disque va disparaître une fois pour toutes. Et ce sera catastrophique pour la Voie lactée. On va le sentir passer ou pas. Alors, il faut savoir que les étoiles sont tellement loin les unes des autres que si le Soleil était une balle de ping-pong qu'on aurait ici dans ce salon, dans ce studio, la plus proche étoile serait à Marrakech. Donc, la probabilité que deux étoiles se cognent lorsque des galaxies se rencontrent est quasi nul. Donc nous, on ne verrait strictement rien, sauf que la matière interstellaire, lorsque les deux galaxies se rencontrent, va donner naissance à une nouvelle génération d'étoiles qui vont exploser en supernovae. Et là, ça peut faire des bouffées de rayons gamma. Et nous, on n'aime pas les rayons gamma. Pourquoi ? Et parce que ça peut affecter nos cellules, ça peut créer des cancers, une partie des mutations génétiques sont probablement liées à l'effet des rayons gamma, des rayons cosmiques, etc. L'espace qui a participé à l'évolution génétique de l'homme. Donc ça fera peut-être des gens qui seront un peu plus intelligents finalement. Dans 5 milliards d'années, on aimerait bien savoir à quoi on va ressembler. Oui, 5 milliards d'années, qu'est-ce que c'est de nos jours ? Héloïse, vous avez encore le droit à une question, si vous voulez. Écoutez, en tout cas, donc, c'est une situation privilégiée pour le moment, pour la Voie lactée, pourvu que ça dure, quoi. C'est ça qu'on peut se dire. Oui, non, en fait, je pourrais rajouter une chose, c'est que c'est un des plus grands défis pour l'astrophysique d'aujourd'hui que de comprendre comment un disque aussi grand de 100 000 années-lumière a pu résister au cours de l'histoire de l'univers avec toutes ces collisions de galaxies. Et la théorie actuelle consiste à penser que il existe des filaments très fins de matière qu'on ne voit pas parce qu'elle est très difficile à voir, qui s'écoulent dans les galaxies. Et ce faisant, tourbillonne et lui donne cette forme de disque. Donc la forme des disques de la Voie lactée viendrait en quelque sorte de liens qui sont entre les galaxies, d'une vie sociale cachée. Et ces liens-là donneraient cette forme de rotation de la galaxie. Et cette forme, elle est atypique dans l'espace ? C'est une forme très particulière que Alors, le plus grand nombre de galaxies, ce sont des plus petites galaxies que la Voie lactée. Par contre, pour des galaxies de la masse de la Voie lactée, on en trouve un grand nombre dans l'univers. C'est vrai que vous travaillez avec des neuroscientifiques, David Elmaz? Oui, avec un ami qui s'appelle Alain Destex. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien vous dire astrophysicien et neuroscientifique? Oui, tout à fait. On s'est aperçu qu'il y avait des analogies troublantes entre les neurones et les galaxies. C'est vrai? Il y a beaucoup d'analogies qui nous ont beaucoup marqués. Et c'est ce sur quoi on réfléchit, sur le lien entre inhibition et excitation des galaxies comme des neurones, sur ce que c'est que la mémoire dans l'univers et dans les neurones, là où est la mort cellulaire, la programmation de la mort cellulaire, programmation des morts, des galaxies, etc. Tout un monde. Intéressant, Claire Sergent, non ? Hein ? Ah bah oui, si ça peut me permettre de me faire rencontrer des astrophysiciens. Eh ben vous en avez en face de vous. Profitez-en. Merci beaucoup, David Elbaz. Et on signale que vous êtes l'auteur de l'ouvrage À la recherche de l'univers invisible aux éditions Odile Jacob. Merci Héloïse, à demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, à Fukushima, un robot conçu par Toshiba va pour la première fois aller au contact du combustible fondu. La compagnie d'électricité japonaise TEPCO commence aujourd'hui une opération dans le réacteur 2, l'un des trois dans lequel le combustible a fondu. Le but de la manœuvre n'est pas de faire des prélèvements, mais d'évaluer la dureté et d'autres caractéristiques du combustible pour préparer les difficiles opérations d'extraction. La partie du robot qui touchera les débris ressemble à un gros flotteur au bout d'un câble qui va descendre au-dessus du combustible en étant télécommandé depuis une salle de contrôle. Le cancer ne date vraiment pas d'hier. L'étude des os d'un fossile d'un animal apparenté aux tortues mais sans carapace qui vivit il y a 240 millions d'années a révélé la présence d'une pathologie cancéreuse très rare dans le registre fossile. Les paléontologues avaient remarqué la présence d'une excroissance sur un des fémurs conservé au Muséum d'histoire naturelle de Stuttgart. L'imagerie a montré qu'il s'agissait d'un ostéosarcome, une tumeur hautement maligne. La découverte a fait l'objet d'une publication dans la revue JAMA Oncologie. Et puis l'intelligence artificielle n'a pas toujours réponse à tout. Le groupe américain IBM a annoncé que son ordinateur appelé Project Debater et bourré d'intelligence artificielle avait échoué à convaincre un auditoire lors d'un débat contre une personne réelle, Harish Natarajan, lui-même champion de compétition de débat. L'homme et la machine se sont affrontés à San Francisco autour de la question de l'intérêt de subventionner ou non les écoles maternelles. Le super ordinateur Watson d'IBM avait en revanche gagné contre un grand joueur d'échecs ou lors d'un jeu de culture générale, le Géopardi. Allez, on va plonger dans l'inconscient avec nos invités dans un instant. For winners, c'était Nick Waterhouse. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Au cours des siècles derniers, il y a eu trois grands changements dans l'idée que l'homme se faisait de lui-même. Trois grands coups portés à notre orgueil, à notre vanité. Avant Copernic, nous pensions que la Terre était le centre de l'univers, et que tous les corps célestes gravitaient autour d'elle. Avant Charles Darwin, l'homme croyait qu'il était d'une espèce particulière, tout à fait à part du règne animal. Avant Sigmund Freud, l'homme croyait que ce qu'il disait et faisait était l'expression de sa seule volonté consciente. Mais le grand psychologue démontra l'existence d'une autre partie de notre esprit qui fonctionne dans le plus profond secret et qui peut parfois diriger notre vie. Un monde aussi sombre que l'enfer lui-même, l'inconscient de l'homme. 1962, John Huston dans Passion secrète, voilà, pour ouvrir notre dossier. Ouais. Et Claire Sergent, vous êtes étonnée de ce que vous entendez ? Non, c'est vrai que ça fait partie de l'imaginaire commun maintenant de penser qu'il y a une bête tapie dans l'ombre de notre cerveau. Ouais. Et le film reprend bien cette image, effectivement. Les pouvoirs de l'inconscient, c'est donc le dossier d'émission cet après-midi en partenariat avec Cerveau Psycho, qui consacre donc un grand dossier à ce sujet dans son numéro de février, donc encore quelques jours simplement dans les kiosques. Claire Sergent, vous êtes neuroscientifique, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Descartes, et vous travaillez justement sur les bases cérébrales de la conscience. Et Sébastien Boller, vous êtes le rédacteur en chef de Cerveau Psycho, avec déjà des questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot clé, l'attaque. Toujours pour rester un petit peu dans Freud, hein, parce que c'est quand même le point de départ de cette histoire de l'inconscient, il y a Nadège qui nous envoie une première question et qui aimerait savoir quelle est la différence simple entre le concept psychanalytique et neuroscientifique. Sébastien, est-ce que vous voulez compléter ce qu'on se disait un petit peu déjà tout à l'heure? C'est-à-dire que pour Freud et pour la psychanalyse, l'inconscient, c'est une entité, c'est-à-dire que c'est une sorte de maillage, on pourrait appeler ça, de à la fois de pensée, de perception, d'émotion, de mots, qui sont connectés les uns aux autres, qui forment une véritable entité qui se tient, qui a sa logique interne et qui est capable de réagir par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et par exemple, dans la psychanalyse, une perception, si elle est modifiée de l'extérieur, peut agir sur cet assemblage interne pour modifier des représentations comme des mots, des signifiants à l'intérieur de cet inconscient. Donc, il y a une vraie logique de l'inconscient qui s'exprime parfois, qui passe les fameux lapsus à travers les lapsus, les actes manqués, enfin ce genre de choses. Donc parfois il y a une sorte d'anatomie de l'inconscient. C'est une véritable entité presque vivante. Voilà. Mais est-ce que c'est cette bête tapie dans l'ombre justement? Pour Freud et pour ses condisciples, oui, c'était quelque chose de tapis dans l'ombre, parce que cette entité psychique se constituait essentiellement par le refoulement, c'est-à-dire par des tentatives justement volontaires de l'individu en société pour maintenir caché un certain nombre de comportements ou de pensées. L'énergie tabous, sexuelle, en particulier. Par exemple, la pulsion sexuelle. Voilà. Ouais. Et donc, évidemment, c'était quelque chose qui, après, avait des répercussions sur notre vie quotidienne, à la fois par des comportements dont l'individu n'était pas le maître. Et donc, il s'agissait ensuite de dénouer à travers la psychanalyse, la thérapie. Mm-hmm. Donc, c'était effectivement quand même quelque chose de pas très sympa et qu'il fallait en quelque sorte dompter comme une sorte de bête sauvage. Je pense que l'image vient de là. Et la différence aujourd'hui, c'est que dans l'approche scientifique du non-conscient ou de l'inconscient, ce sont plutôt des processus de traitement de l'information par le cerveau, sans pour autant qu'on puisse agréger ça dans une sorte d'être invisible. Voilà. Ouais. Mais Claire Sergent, le refoulement, par exemple, le refoulement sexuel, les lapsus, les actes manqués, ça a sa place encore aujourd'hui dans ces travaux autour de l'inconscient ou pas? Alors, le refoulement en particulier, c'est une des propositions de la psychanalyse qui a vraiment été examinée d'un point de vue expérimental. Je me souviens, c'était dans les années 2000-2002, on a vu le premier article qui citait Freud dans son introduction, un article de sciences cognitives. On était bluffés. Et effectivement, ils ont fait des expériences pour voir si on pouvait apprendre à quelqu'un à défaire une association, c'est-à-dire à désapprendre une association entre deux mots, si bien que quand on lui dit éléphant, il n'arrive plus à retrouver le mot trompe. On peut faire ça, oui, en effet. Donc c'est assez intéressant. C'était la première expérimentation justement d'un concept freudien. D'un concept vraiment typiquement freudien, avec Freud dans l'introduction. Quoi. Ouais. On a attendu presque longtemps d'ailleurs pour le faire. On aurait pu le faire avant, non? Est-ce qu'on aurait pu le faire avant? Sans doute. Il y a une brouille d'assez longue date, qui a des bonnes raisons, mais d'exister. Mais voilà. Je me souviens très bien de cette étude de l'oubli volontaire, en fait. Ouais. Et on en avait parlé dans la revue à l'époque, et il y a eu beaucoup de réactions très négatives de praticiens de la psychanalyse qui disaient non, ça n'a rien à voir avec l'inconscient psychanalytique. Ce sont des processus cognitifs très simples. Ne prétendez pas réduire l'inconscient freudien à des petits mécanismes d'oubli, d'association de mots. Voilà. Ouais. Donc, alors que dans le fond, c'est vrai, je suis d'accord avec Claire Sergent, c'était quand même un mécanisme qui peut être assimilé à du refoulement, se forcer à oublier quelque chose. On le fait aussi dans des situations de traumatisme. Il y a des mécanismes d'oubli aussi automatiques qui peuvent se mettre en place avec des bons et des mauvais côtés. Mais c'était vraiment une voie d'approche intéressante, mais qui évidemment n'allait pas jusqu'à explorer toutes les associations symboliques qui peuvent se faire dans le monde imaginaire d'une personne à travers ses rêves, ses lapsus et tout ça. Donc ça a pas franchement rabiboché les gens. Malheureusement, mais là, c'est une voie qui est justifiée. Ouais. Avec Claire Sergent. Oui, je pense qu'il faut avoir l'humilité de commencer simple pour réellement arriver à comprendre un système complexe. Oui. On est obligé, pour commencer à expérimenter, de réduire le nombre de paramètres. Et là, on commence à comprendre des choses et on commence à voir des choses qu'on n'avait pas anticipées aussi. Et c'est ça qui est très important. Ouais. Et il est où le système complexe ? C'est quoi finalement ? Le système complexe de l'inconscient, vous voulez dire ? Oui. Finalement, on se rend compte, lorsqu'on étudie l'inconscient expérimentalement, que les processus inconscients, ils prennent tout le cerveau au même titre que les processus conscients, ils partagent le même terrain. Hein, donc c'est la complexité du cerveau, la complexité des apprentissages, etc. Oui, c'est quelque chose de complexe, mais quelque chose qu'on peut éclairer. S'il y a une bête tapie dans l'ombre, on peut allumer la lumière et voir à quoi elle ressemble. En tout cas, ce qu'il faut essayer de faire aujourd'hui, finalement, ce qu'on peut retenir, c'est de dépasser cette opposition. Là aussi, on le disait un petit peu tout à l'heure, Sébastien, entre la partie consciente de notre être et inconsciente. Oui, il n'y a pas d'opposition. Je crois que Claire Sergent a mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est que dans notre cerveau, un même neurone, par exemple, peut être impliqué tantôt dans un processus inconscient et tantôt dans un processus conscient. Mmh. Et une des questions passionnantes, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que parmi les X pensées inconscientes qu'on a à un moment donné, et ce X, ça peut être 10, 100, 1000, on n'en sait rien, mais c'est parfois beaucoup, pourquoi telle représentation mentale, à un moment donné, va devenir consciente. Par exemple, je suis en train de vous parler, j'ai conscience de votre visage, j'ai conscience de ce que je suis en train de dire, mais je n'ai pas conscience de plein d'autres choses autour de moi, par exemple les petites dépêches qui sont sur l'écran à côté de moi, des choses, mais qui quand même accèdent à des modules de traitement dans mon cerveau et qui sont quand même prises en compte et qui parfois peuvent avoir des effets après, y compris dans mes choix un peu plus tard. Ça, c'est le système complexe aussi, là, pour le coup, hein, Claire Sergent, ce que vient de décrire absolument Sébastien Boller, on est vraiment dans un système très complexe. Tout à fait. Et du coup, là, pour le coup, on a vraiment expérimenté sur ces perceptions qui sortent du champ de l'attention ou qui sont pas assez fortes pour déclencher la prise de conscience, qui sont omniprésentes en dehors de notre champ attentionnel et qui vont avoir des petites influences. Ouais. Donc, si vous voulez, je peux vous parler d'une une de ces expériences. Ben, vous savez ce qu'on va faire ? Oui. On va en parler dans un instant, puisqu'on a une petite chose à faire juste avant, c'est d'écouter Benjamin Biolay. Ben oui, c'est comme volontiers. Ça. C'est Night Shop et on parle de votre expérience juste après dans La Tête au Carré. Je rêve de cure, de sommeil. Tous ces chats me semblent trop pareils, vus de là-haut. Oui, la nuit, je passe les murailles et j'entends le vent des cornouailles. Et pourtant, je la suis vague que vaille, l'aurais-je dans la peau. car la nuit je mange une fille aux cheveux orange qui me dit t'es beau. Moi, je ne crois pas trop. Visage pâle et nom d'animal. Moi, la nuit, je repense au soleil. Et je vide toutes les bouteilles. Je détruis les chambres des hôtels. Là-haut. Oui, la nuit, je longe les falaises. Je voyage au gré de mes malaises. Et je nage dans un champ de fraises. Pleurais-je dans la peau. Car la nuit, je mange une fille aux cheveux orange qui me dit t'es beau. Moi, je la crois pas trop. Visage pâle et nom d'animal. Je repense au soleil comme un disque qui se raye. Je m'enfuis par mon rose et merveille. Là-haut. Puisque tourne sa langue et la mienne, et que tourne ma langue et la sienne, chaque jour d'une longue semaine. Dans la peau, car la nuit je mange une fille aux cheveux orange qui me dit t'es beau. Moi, je ne crois pas trop. Visage pâle et nom d'animal. Night Shop, c'était Benjamin Biolay. La tête au carré. Sur France Inter. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? Moi, je le sais. Enfin, je sais ce qui se passe dans la tête de Riley. La voilà, c'est elle. Je m'appelle Tristesse. Oh, bonjour Tristesse. Je m'appelle Joie. Bon, comment dire? Je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, mais j'ai vérifié, elle est sur la liste et ça ne faisait que commencer. Le quartier cérébral allait devenir un hall de gare. On est hors de danger. Merveilleux. Là, non, virage. Je vous présente Peur. Avec lui, Riley est en parfaite sécurité. À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Non, mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme. C'est des brocolis! Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert. Quoi? Pas de dessert? Non mais attends, il est sérieux lui? Voilà colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Eh ben tu l'as voulu, on va te finir ton assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster. Voilà, vice-versa des studios Pixar pour parler de l'inconscient avec mes invités. Extrait approuvé par notre neuroscientifique Claire Sergent. Hein, vous avez bien aimé approuvé ce film? Approuvé filmistiquement. Oh, ouais. C'est ça, ouais. Mais c'est un film qui a marqué tout le monde finalement. Oui, hein. Oui. Sébastien oui, Boller. Ça tape juste. Très bonne porte d'entrée justement sur le cerveau. Hein. Oui, ça montre très bien qu'il y a une part de notre psyché qu'on ne contrôle pas très bien, c'est les émotions. Oui. Et c'est vrai que ça rentre dans la thématique parce que les émotions sont souvent déclenchées sur un mode automatique. C'est des choses qui sont programmées vraiment dans le hardware de notre cerveau. C'est le cas de l'inconscient justement. Elles participent à ces réactions automatiques. Hein. Oui, Je pense que dans l'inconscient, il y a d'ailleurs Pascal, déjà bien avant Freud, évoquait déjà les prémices de l'inconscient à travers ce qu'il appelait les automatismes. Et c'était très bien vu, parce que notamment les émotions surgissent de façon automatique. Et la question, c'est après, est-ce qu'on peut ensuite en prendre conscience ? Certaines personnes le font mieux que d'autres. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et arriver à prendre conscience de ses émotions, c'est pas donné, mais ça apporte d'immenses avantages. Donc là, l'inconscient et le conscient peuvent, ont intérêt à collaborer. Claire Sergent. Et un autre élément aussi important à retenir, c'est que émotion et conscience ne sont pas forcément à confronter et contraires. Beaucoup de travaux ont montré que les émotions étaient très utiles pour des prises de décision complexes. Et que nous allons en référer à nous, ce qu'on va appeler le gut feeling en anglais, on dirait comment en français, notre instinct. C'est très important. Il y a l'intuition, nous parle Christian, c'est un auditeur qui nous pose cette question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'intuition et l'inconscient, justement ? Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'il y a un lien ? Parce que ça, c'est intéressant. Ça, ça complète ce que vous nous dites, là. Alors, c'est une bonne question. Je pense que cette notion intuitive d'intuition, elle fait sûrement référence à tous les calculs qui sont faits par notre cerveau de manière automatique dont on n'a pas conscience et qui vont effectivement diriger, guider nos mouvements. Une intuition, c'est à un plus haut niveau, la même chose que ce qui se passe lorsque je fais un mouvement, je veux attraper un objet, il y a des commandes complexes aux muscles, tout ça c'est des calculs dont je me moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de saisir un objet. Sauf que ça fait partie de notre disque dur. Voilà, exactement. C'est là bien ancré. Et il faut bien, il faut bien que les muscles soient mis en mouvement. Tous ces calculs-là me sont opaques. Ce dont je prends conscience, c'est de mon intention. Et bien, à des niveaux plus élevés aussi, il y a des calculs automatiques qui se font et qui vont vous proposer une solution. Et ils vont proposer à l'arbitrage de la conscience une solution. On ne sait pas comment ça s'est produit. C'est la conscience qui a le dernier mot quand même ou pas ? Non, pas toujours. Pas toujours, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, Sébastien. Non, c'est ce que dit Claire Sergent, ça démontre effectivement très clairement ce qu'on a dit, c'est que l'inconscient ne doit plus être considéré comme l'ennemi de la conscience. C'est vraiment un assistant essentiel. C'est les travaux d'Antonio Damasio sur des tests où on demande à des gens de choisir dans des piles de cartes celles qui se traduisent par des gains ou des pertes. Et on s'aperçoit qu'ils finissent par trouver la meilleure stratégie uniquement par des réactions automatiques au niveau des émotions. Et qu'ils ne savent même pas consciemment comment ils ont fait, mais que s'ils sont privés de cette capacité-là, ils ne peuvent plus prendre de bonnes décisions. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de ces processus de délibération complètement viscérale et inconsciente pour prendre des bonnes décisions. Sinon, on n'y arrive pas. Si on devait tout faire consciemment, ce serait la catastrophe. Prenez l'exemple des commandes musculaires, c'est pareil. Vous demandez à un joueur de tennis de savoir où la balle va arriver en analysant la trajectoire avec des jumelles. C'est pas possible de jouer. Ces processus d'anticipation automatique font tout le travail. Il y a Pierre sur franceinter.fr qui demande quelle est la différence entre l'inconscient et le subconscient. Parce que je me souviens, on en a parlé aussi dans cette émission du subconscient qui décrivait exactement ce que vous venez de faire finalement avec ces réactions, un peu le poste de pilotage du cerveau. Claire Sergent, on emploie encore ce mot de subconscient aujourd'hui d'ailleurs ou pas ? Eh bien, non. Ah ben oui, c'est bien ce qui nous semble, absolument. Non, la notion de subconscient... Elle a été englobée un peu dans l'inconscient, non, finalement ? Oui, c'est ça. Quand même, on voit une division très nette émerger à la fois de la psychologie expérimentale et des neurosciences, c'est-à-dire quand on essaye d'enregistrer le cerveau lorsque la personne prend conscience ou non d'une information, une division très nette entre un parcours de l'information donc qui est automatique, qui va suivre des routes automatiques, et puis un traitement beaucoup plus lent. Qui serait pas du tout efficace pour gagner un match de tennis, mais qui permet de prendre d'autres routes que les routes connues, automatiques, etc. Et pas seulement dans le domaine physique ou corporel. Si vous lisez un texte, Vous connaissez l'expérience où vous lisez un texte où les lettres sont mélangées. Alors, il y a l'expérience et dans Cerveau Psycho, c'est génial à faire. Hein. C'est extraordinaire parce qu'on arrive à lire. On arrive à lire. Alors, expliquez-nous le test. Bah, donc, vous avez un paragraphe d'un texte tout à fait normal, mais simplement dans lequel vous avez mélangé les lettres. Ouais. Et puis, vous soumettez ça au lecteur. Et puis, il comprend très, très bien. À un moment, il se rend compte qu'ils n'ont pas bien corrigé leur journal. Sauf que les lettres ont été changées selon un principe particulier. On a gardé les premières et la première et la dernière. Ouais. Effectivement. Et ça démontre quelque chose de très, très important. C'est-à-dire qu'on ne lit pas en analysant consciemment les choses, les associations de lettres, comme le fait un enfant qui apprend à lire. Ouais. Parce qu'on a intériorisé ces mécanismes d'association, de déchiffrage. On a eu un apprentissage, tout simplement. Voilà, ouais. Et donc, on l'a délégué, finalement, à des mécanismes automatiques et non conscients. Ouais. Et si bien que le cerveau, simplement, en reconnaissant quelques lettres dans un mot, en fait, on sait aujourd'hui qu'il va calculer la probabilité que tout un certain type de mots arrive juste ensuite, qui appartiennent au même champ de signification. Ouais. Et ensuite, simplement, il vérifie si ça correspond ou pas, simplement sur la base de quelques indices. Mais ça montre vraiment très très bien, je trouve. Ah, le test est génial. Hein. Sans processus inconscient, on est perdu. Et on va quasiment aussi vite dans la lecture. C'est dire à quel point aussi tout ça opère très très rapidement dans le cerveau. Absolument. Claire Sergent, voilà, oui. La cognition inconsciente, elle est essentielle parce que c'est quelque chose d'efficace. Mais parfois, ça peut nous amener à des décisions qu'on n'approuverait pas si on savait tous les ressorts qui nous ont amenés à ces décisions. Ah, oui. Ça peut nous amener à être injuste sans le vouloir. Ouais, mais est-ce que ça veut dire que l'inconscient est beaucoup basé aussi sur l'apprentissage, l'acquisition des connaissances, ou est-ce qu'il y a une part innée aussi très très forte finalement? Il y a effectivement une part innée qui existe, c'est-à-dire que lorsque vous venez au monde, la manière dont les neurones sont connectés les uns aux autres vont faire que l'organisation du cerveau va être déjà bien cartographiée. Mm-hmm. Le système visuel va se développer à tel endroit, etc. Donc il y a un câblage initial qui est comme cela, mais après tout le monde sait que la propriété du cerveau, c'est sa flexibilité. Ouais. Donc les apprentissages vont tout changer. Quand vous êtes vous regardez un nourrisson, il doit apprendre l'association entre ses mouvements et leurs effets dans le monde extérieur. Et c'est incroyable de voir un bébé apprendre ce genre de... Tout à fait, il y a des processus totalement innés. Par exemple, pour donner la reconnaissance des visages, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être éduqué, il n'y a pas besoin de cours pour apprendre à reconnaître les visages, et c'est totalement automatique et inconscient. Et les personnes qui n'ont pas ces mécanismes automatiques sont prosopagnosiques, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'essayer de se souvenir du visage des gens en se disant « lui, je me souviens qu'il avait les sourcils un peu plus haut ». Non, ça c'est quelque chose de totalement automatisé, de même que les comportements d'imitation. Vous savez que si vous mettez deux personnes dans une pièce et qu'il y en a une qui est un expérimentateur qui décide de se gratter le nez au bout d'un moment, et ben avec un petit décalage de quelques secondes, on voit que l'autre se met à se gratter le nez aussi. C'est des mécanismes d'empathie, de résonance émotionnelle qui font vraiment partie de notre câblage avec les neurones miroirs, avec quelque chose qui fait de nous une espèce sociale. Donc tout ça, ça fait partie de notre prédisposition à certains traitements inconscients. Mais il y a des choses aussi complètement apprises, comme les stéréotypes. Vous avez une foule de stéréotypes qui guident nos comportements, par exemple de ségrégation parfois raciale ou sexiste ou autre, et qui sont cette fois-ci apprises par un certain type d'environnement social. Claire Sergent, vous aviez une expérience dont vous vouliez nous faire part sur la complexité du traitement inconscient. Eh bien, figurez-vous que ça va arriver, mais dans un instant. Y a pas de courage sans peur. Je serre les dents, je serre les dents. Quand c'est le temps qui prend, je fais un piano. Le passé vient frapper comme une gauche, serre les dents. Le corps qui d'un coup se désaccorde, va piano. Toujours sourire, toujours sourire. Serre les dents, resserre les dents. Toujours sourire, toujours sourire. Va piano, ouais, va piano. Va piano. toujours sourire, toujours sourire. Va piano, va piano. Toujours sourire, toujours sourire. Serre les dents, resserre les dents. Toujours sourire, toujours sourire. Va piano. Piano. Va piano, c'était Hervé. La suite et la fin de notre dossier consacré à l'inconscient avec Cerveau et Psycho, donc qui, je vous le rappelle, consacre un dossier à ce sujet sur les pouvoirs de l'inconscient, la face cachée de notre cerveau qui décide de presque tout. C'est en kiosque en ce moment et encore pendant quelques jours. Et mes invités, donc Claire Sergent, neuroscientifique, et Sébastien Boller. Claire Sergent, il y a Emmanuel, un auditeur, qui nous dit ceci. Je ne suis pas d'accord avec les définitions grossières de la psychanalyse que vous avez évoquées. Non, l'inconscient ne fonctionne pas que sur le refoulement et les pulsions. Non, l'inconscient, ce n'est pas un objet négatif, mais un processus normal. Freud lui-même regrettait que la science de son époque n'ait finalement que la psychanalyse pour tenter de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. C'était un médecin, un scientifique qui aurait été intéressé par les outils d'observation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez, Emmanuel ? Je pense que ce qu'on a dit n'est pas en contradiction avec ça. Ouais. Non, l'inconscient n'est pas une bête tapie dans l'ombre. Et oui, sûrement que Freud était intéressé par les sciences. Voilà, le fait est que beaucoup de propositions de la psychanalyse ne sont que des propositions et doivent encore faire ce chemin de démonstration. C'est pas parce que c'est une proposition qu'on doit le mettre à la poubelle, mais c'est pas parce que c'est une proposition faite par Freud que on doit le prendre pour argent comptant. On doit l'explorer expérimentalement. Sébastien Boller, un petit complément là-dessus. Non, j'ai rien à rajouter, bon. C'est exactement écoutez, ça. Merci d'être venu en tout cas. Claire Sergent, on y arrive quand même à cette expérience dont vous vouliez nous parler sur la complexité des traitements inconscients. Alors, vous voulez l'illustrer de quelle façon exactement? Surtout la rapidité des traitements inconscients et finalement les rapports entre traitements conscients et inconscients qui sont très étroits. Ouais. Une expérience vraiment classique en psychologie, c'est l'expérience qu'on appelle du Stroop. Vous avez peut-être déjà vu ça sur internet. On va vous présenter des mots qui défile sur un écran, et au lieu de vous demander de les lire, on va vous demander de dire dans quelle couleur ils sont écrits. Ouais. On a fait l'expérience la semaine dernière avec Lionel Nakache, justement, à l'occasion. Non, mais c'était au Studio 104 et dans les cinémas, donc les auditeurs n'étaient pas forcément avec nous. Tout est cohérent. Vous pouvez nous l'expliquer. Nous sommes tout à fait d'accord. Et donc, lorsqu'on va vous présenter le mot bleu et qu'il est écrit avec la couleur rouge, la tâche, c'est de dire rouge, mais vous allez voir cette route inconsciente automatique de lecture qui a associé et réassocié tant de fois un mot avec sa prononciation. L'autoroute de l'information, c'est du système visuel qui va reconnaître le mot à l'air de Broca qui va prononcer le mot. Mmh. Et donc, vous allez dire bleu parce que vous avez envie de dire bleu parce que c'est le mot qui est écrit. Et la conscience, enfin, le mode de traitement conscient, qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent. On voit que c'est plusieurs centaines de millisecondes plus lent qu'un traitement inconscient, va prendre le relais pour quand même faire la tâche, c'est-à-dire connecter les aires qui le sont moins, des aires de traitement des couleurs. Oui, c'est comme le ni oui ni non, c'est le même principe. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, vous étiez dans la salle, justement, mardi dernier, quand on a fait l'expérience avec le public, et on voit à quel point, finalement, oui, il y a une sorte de ralenti de la conscience pour donner justement le bon mot associé à une couleur différente. Hein. Exactement, on se rend compte que la conscience peut jouer un rôle de validation ou de correction, mais souvent a posteriori. Et c'est quand même notre chance que de pouvoir valider ou pas les espèces de propositions que fait notre inconscient. Et au-delà de ça, c'est un rôle de créativité. C'est-à-dire C'est-à-dire, on peut prendre... Non, je pense qu'il faut aller au-delà de l'idée de dire... l'inconscient propose et puis la conscience, dispose. En fait, c'est plus que ça, c'est-à-dire suivre des chemins complètement nouveaux. Voilà, cette tâche complètement nouvelle de dire le mot associé à la couleur de ce qui est écrit, bah c'est une tâche nouvelle et on peut faire n'importe quelle tâche nouvelle grâce à ce système lent. Et puis ce système lent, si on le répète plusieurs fois, ça devient un apprentissage, ça passe dans l'inconscient et ça devient très efficace. Comme un joueur de tennis qui va apprendre à être super efficace au tennis. On va écouter un extrait du film Blade Runner, la fabrique de robots humanoïdes, les fameux réplicants justement dans ce film, et on en discute ensemble juste après. J'ai jamais fait ce genre. Le temps de réaction est important dans ce test, alors concentrez-vous et répondez aussi vite que vous pourrez. J'ai envoyé Holden faire le test Void Camp sur les nouveaux ouvriers. J'ai envie d'être un peu sale. On dirait qu'il est tombé sur l'un d'eux. Où j'habite ? Ça fait partie du test ? Ils ont été conçus pour imiter les êtres humains en tout point sauf dans leurs émotions. Leurs créateurs reconnaissent qu'après quelques années, ils peuvent développer eux-mêmes des réactions émotionnelles. Haine, amour, peur, colère, envie. Dilatation des vaisseaux capillaires pour une réponse embarrassée. Oscillation de la pupille. Dilatation involontaire de l'iris. Le test de Voigtkampf dans notre jargon. Le commerce est notre seul but chez Tahirel. Plus humain que l'humain est notre devise. Nous commençons à découvrir chez eux... d'étranges obsessions, mais après tout, ils n'ont pas une grande expérience émotionnelle, puisqu'ils n'ont que quelques années pour assimiler des sentiments qui pour nous sont évidents. Si nous pouvons leur offrir un passé, nous créons un coussin, une base pour leurs émotions. Une mémoire. Vous parlez d'une mémoire affective. Voilà le film Blade Runner de Ridley Scott pour discuter ensemble de l'inconscient avec mes invités Claire Sergent et Sébastien Boller. Alors c'est vrai qu'on a fait un petit pas de côté avec ces robots humanoïdes, mais quand même on est dans le sujet, Claire Sergent. D'ailleurs, c'est un extrait, vous me disiez, qui a été utilisé par un de vos confrères, c'est ça ? Oui, pour parler de l'importance des temps de réponse, des temps de réaction. C'est vrai que une énorme partie de l'expérimentation fait usage des temps de réponse pour voir ces petites influences du traitement inconscient sur un traitement conscient. Là, on voit aussi toute la complexité à reproduire finalement la machinerie humaine, hein, le cerveau avec les émotions. La conscience, l'inconscient, est-ce que vous pensez qu'un jour on sera capable de faire des machines humanoïdes douées de conscience et dotées d'un inconscient ? Ah mais, ça c'est vrai que c'est une super question. J'ai pas tous les éléments de réponse. Mon impression, c'est que on arrive à faire des choses très complexes aux ordinateurs, mais que à mon avis, il manque un ingrédient pour qu'ils en arrivent au même point que nous à un moment. Donc, c'est ce serait le propre de l'homme finalement. Voilà. Et ce serait quoi ? Ce serait que ils soient créés pour eux-mêmes. Là, ils sont créés pour une fonction qui vient de l'extérieur, qui est celle des hommes. Donc, je me demande si la logique même de la construction d'un ordinateur n'est pas sa propre survie. Je me demande si c'est une distinction qui influence si on peut développer vraiment une conscience aussi complexe que celle que nous avons. Sébastien Boller, parce qu'il ne reste que quelques minutes, hélas, même pas à passer ensemble. Justement, l'inconscience, c'est cette influence, au fond, qui est à retenir aussi. Le fait qu'il nous influence. Oui. Alors à chaque instant, évidemment, il faut jamais l'oublier. C'est toujours en toile de fond. Il y a d'énormes progrès qui sont faits actuellement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment nos représentations mentales inconscientes deviennent conscientes. Et il y a quand même des critères très précis qui commencent à être proposés, notamment par Stanislas Dehaene, sur l'idée qu'à un moment les neurones commencent à se synchroniser et que donc ils agrègent de plus en plus d'activités de zones du cerveau distantes qui deviennent synchrones et qui à ce moment-là donnent naissance à des pensées conscientes. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait conférer à des machines. Lui, il pense que c'est une question d'architecture. Logiciel en fait de programmation algorithmique, qu'il n'y a pas d'impossibilité sur le papier, mais qu'actuellement l'intelligence artificielle telle qu'elle est pratiquée n'a pas préparé le terrain en ce sens-là, et que ce ne serait pas impossible. Claire Sargent, pour conclure. Oui. Pour conclure, donc on disait oui, c'est vrai, l'inconscient va nous influencer même sans qu'on le veuille. On a évoqué les stéréotypes. C'est vrai que le cerveau absorbe des biais qui sont dans notre environnement. Il y a par exemple beaucoup plus d'hommes dans des positions de décision, et le cerveau va intégrer ça et va biaiser notre manière de penser inconsciemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on expérimente pour comprendre et quantifier ces phénomènes, eh bien, ces phénomènes arrivent à la conscience de la société, et c'est à ce moment-là qu'on peut agir dessus, qu'on a la possibilité d'agir dessus. On parle de l'inconscient collectif, alors, dans ces cas-là, finalement. Peut-être pas, mais en tout cas, d'une conscience qui va, d'une conscience collective. Collective, là, par contre. Oui. Cerveau et Psycho, donc, en ce moment dans les kiosques, avec ce dossier sur les pouvoirs de l'inconscient. C'est la face cachée de notre cerveau. Et Sébastien Boller, eh bien, on se retrouvera dans deux jours à ce micro, oui. Car vous avez également un ouvrage de votre cru à nous présenter cette fois-ci, et vous serez un des invités du club. Tout à fait. Donc, ouais. À dans deux jours. C'est la semaine, Sébastien Boller. Merci beaucoup, Claire Sargent. Merci à vous. À bientôt.